عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc on voit ensemble toujours donc le sujet du علم. فضله وشرفه، العلم فضله وشرفه، donc la science ses bienfaits et sa noblesse. قد وصلنا إلى الوجه الثلاثين بعد المئة، donc le 130e point et le dernier point. بين العلم والتفكر، بين العلم والتفكر، entre la science et la pensée. تفكر، le fait de méditer, la méditation. فما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة. Donc certains salafs ont dit méditer une heure est meilleur que l'adoration de 60 années. وسأل رجل أم درداء عن أبي درداء رضي الله عنهم أجمعين بعد موته عن عبادته، فقالت كان نهاره أجمعه في تأدية التفكر. Donc certains plus prédécesseurs ont dit que méditer une heure, donc connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer une heure sur le ilm, est meilleur que l'adoration 60 ans. Et un homme a questionné Umm Darda, l'épouse de Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in, après sa mort sur son adoration, et elle a dit: certes la journée, donc je peux le rassembler dans, c'est-à-dire dans l'étendue hein, de la méditation. Ici la méditation c'est par rapport au ilm, c'est le fait de méditer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Wa qala al-Hasan tafakkuru sa'atin khayrun min qiyam al-layla. Al-Hasan dit méditer une heure est meilleur que la faire revivre la nuit, qiyam al-layl, c'est-à-dire le fait de prier et invoquer la nuit. Wa qala al-Fudayl, donc c'est-à-dire Fudayl ibn Iyad Al-Maghribi, le Marocain, rahmallah, hein, Al-Sabti, Tafakkuru mira'atu turika hasanatik wa sayyi'atik. Donc il dit Al-Fudayl, la méditation est un miroir qui te montre tes hasanat et tes sayyi'at, la science. Parce que tu sais te placer face à la science. Elle te montre, c'est un miroir qui te montre tes bonnes actions et tes mauvaises. Wa qila li Ibrahim annaka tutilu al-fikra. Faqal al-fikratu mukhu al-aql. Donc on a dit à Ibrahim, certes tu restes longtemps à méditer. Et il lui a dit, la méditation est le cerveau, al-mukh. Donc le cerveau de la raison. Wa kana Sufyan al-Thawri كثيرا ما يتمثل إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. Donc Sofian al-Thawri dit dans sa poésie, il disait beaucoup cette poésie là, si la personne a de la méditation, donc elle prend exemple sur beaucoup de choses, dans le sens elle a de la ibra, elle prend. Donc ici, en vérité, elle profite en vérité de beaucoup de choses. Dans le sens, l'ibra, c'est lorsqu'il est en vérité un bon exemple sur les choses. L'ibra, c'est en vérité, ta'tabir. Et elle comprend les choses et elle prend les choses bien sûr donc avec soin. وقال الحسن في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Dans Sourate Al-A'raf, verset 146. قال أمنعهم التفكر فيها. Donc, Al-Hassan dit, Rahmanullah, je vais détourner de mes signes ceux qui s'enorgueillent sur la terre sans raison. Sourate Al-A'raf, verset 146. Et Al-Hassan a dit dans le tefsir de cela, l'explication, je leur interdis, je leur donc empêche, amnaoum, donc je leur empêche de méditer sur ces signes. Donc les gens vont perdre en vérité cette fonction de pouvoir méditer sur les choses. On ne voit-il pas? Afala yatafakkarun. Wa qala ba'd al-'arifin, et certains connaisseurs disent la tala'ta qulub al-muttaqina بفكرها إلى ما قدر في حجب يعني حجوب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيشهم ولم تقر لهم فيها عين. Donc ils disent si seulement tu voyais ce qu'il y a dans les cœurs de ceux qui craignent par leur méditation à ce qui a été donc c'est-à-dire déterminé hein, dans les choses de par rapport à ce qui était caché, par ce qui est terminé et caché, donc par rapport à l'invisible, de ce qui a comme bien dans l'au-delà. Donc, la miasfu lahum dunya aishun. Donc la dunya n'aurait pu et en vérité n'aurait pu été donc pour eux bien sûr une vie, hein, et aussi même l'œil, si en vérité on voyait en vérité ce qu'il y a dans le cœur des gens de bien, même l'œil n'aurait pas en vérité été donc raffermi. Les gens auraient vécu d'une mauvaise façon quand on voit en vérité le khair qu'il y a dans la bonne pensée. Dans le sens où il y a des gens qui sont arrivés au niveau de science, au niveau de crainte. Donc ces gens-là, si on voyait ce qu'ils pensaient, ce qu'ils pensaient de l'au-delà, et ce qu'ils pensaient en vérité le fait de se rapprocher d'Allah Azzajal, de rencontrer Allah Azzajal et de vouloir vivre. Le choc, le fait de vouloir faire l'akhira, on n'aurait jamais été à l'aise en vérité dans cette vie ici-bas. Wa qala al-Hasan tulul wahdati atammul al-fikra wa tulul fikrati dalilun ala tariq al-jannah. Donc il dit al-Hasan al-wahdati, c'est-à-dire le fait d'avoir un cœur qui est rassemblé, avoir un cœur qui est rassemblé pendant longtemps est meilleur pour la pensée. Le fait en vérité d'unir sa pensée dans les mêmes choses. De ne pas avoir en vérité la pensée qui est bouchette tétale par, hein, donc, par les autres, de part des autres. Et le fait de penser beaucoup est une preuve pour la voie du paradis. Et ici qu'on pense, c'est bien sûr le fait de méditer sur les paroles d'Allah Azza wa Jal avec la vraie compréhension. Le fait de méditer sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la vraie compréhension. C'est ça la méditation. Et ce n'est pas la méditation dans le vide, dans n'importe quoi. وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم إمر قط إلا عمل. Donc Wahab dit, la pensée de l'un, donc d'une personne, n'a pas été longue jusqu'à ce qu'il ait su. Et sa science, jusqu'à ce qu'il ait su, donc et sa science, la science d'une personne, la personne n'a pas su qu'après avoir œuvré. Donc il a œuvré et puis il a su puis il a œuvré. Donc il a su donc ou plutôt à chaque fois que la personne a su plutôt à chaque fois que la personne a su a œuvré après cela. Après cela donc elle a mis en pratique et a œuvré. Wa qala Omar ibn Abdel Aziz rahmallah al fikratu fi ni'amillahi min afdali al ibada. Donc Omar ibn Abdelaziz, rahmallah, le petit-fils de Omar ibn Khattab, donc de par sa mère, c'est son petit-fils, et donc il a été parmi Al-Umawiyyin, donc de l'an 99 à l'an 101, 2 ans, gouverneur, 2 ans émir, des croyants, rahmatullah alayhi, grand savant, C'était Alim al-Medina, donc à l'époque avant ça, avant qu'il soit le khalifa. Il faisait partie des grands ulama de Médine. Rahmatullah alayhi. Et il a dit que la pensée sur les grâces d'Allah Azzawajal est meilleure que l'adoration. Est meilleure que l'adoration. وقال عبد الله ابن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا أين بلغت قال الصراط قال الصراط donc عبد الله ابن المبارك a dit à certains de ses compagnons alors qu'il voyait en train de penser il a dit où es-tu arrivé ils lui ont dit il a dit au pont الصراط comme si on comprenait qu'il est en train de penser sur hein, au jour dernier le jour dernier il a des suites logiques les gens sont ressuscités. Ils sont rassemblés, il y a le hash. Hein, après, ils voient bien. Donc, la terre, elle est aplanie. Ils vont voir le soleil se rapprocher jusqu'à ce qu'après le soleil va être hein, dépluché, un peu comme l'orange, que lorsqu'on la dépluche, imagine, une seule fois. Comme si c'était comme ça. Celui qui arrive à enlever les plures de la pomme en une seule fois, en rondelette, c'est-à-dire de cette façon-là. Après, Allah va venir avec les anges. Il y a tout ça. Hein, donc, les anges vont traîner le trône d'Allah. Il va se rapprocher. Il y a le temps, et tout ce qui se passe avec lorsque le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, va intercéder, et avant l'intercession, il y a aussi le fait de demander aux anges, il va bien sûr se prosterner auprès d'Allah Azza wa Jal, il va pouvoir intercéder, il y a le Haud, il y a tous ces là, il y a les comptes, et après, c'est la fin de tout ça. C'est là, c'est bien la fin de tout ça. Regardez, donc, il est en train de méditer sur cela, lorsqu'on dit où es-tu arrivé, il a pensé au salat. Il pense à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'ils connaissent bien la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdallah ibn Mubarak, on dit de lui, rahmallah, que même si on lui disait qu'il allait bientôt mourir, il ne pourrait pas rajouter dans son adoration. Il ne pourrait pas rajouter quoi que ce soit face à sa situation. Si chacun d'entre nous savait qu'il allait mourir dans quelques jours, dans une semaine, dans un mois, biyaqin, il augmenterait ses adorations. Mais lui, comme il était déjà au top dans tous les domaines, il n'y a pas besoin, il ne peut pas rajouter. Il va rajouter quoi? Parce qu'il est déjà arrivé au top. Tout ce qu'il demandait, il le fait. Et il le fait au top. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rajouter. Le fait qu'il est déjà arrivé au top. وَقَالَ بِشْرٌ لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ مَا عَصَوْهُ. Et Bishrun dit, si les gens pensaient, si les gens méditaient sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'auraient pas. Donc, désobéi. Et par rapport à cela, donc revenir à Adamatullah, donc revenir en vérité à la khutba de Sheikh Abdelrazak al-Abbad, Hafzallah Azzajal, on retrouve c'est dans son site. Donc ça a quelques mois, c'est pas ancien. Donc c'est Adamatullah, Tardimullah, c'est le titre. Tardimullah. Donc la personne devrait écouter cette khutba et il va justement bien profiter de cette khutba-là vis-à-vis de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ركعتان مقتديتان عفوا مقتصدتان في تفكر خير من قيام الليل بلا قلب. Il dit deux unités, donc deux rak'a, courtes mais avec méditation, sont meilleures que le fait de prier toute la nuit sans cœur. Sans vérité. En vérité, le fait que tu sois dispersé, ton cœur est dispersé. Toi, tu pries, ton corps est lié, mais ton âme, elle est ailleurs. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الْآخِرَةِ وَعُقُوبَةٌ لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ وَالْفِكْرَةُ فِي الْآخِرَةِ تُورِثُ الْحِكْمَةَ وَتُحْيِي الْقُلُوبِ. Donc, Abu Sulayman dit, pensez à la vie d'ici-bas, est un hijab, hein, donc c'est en vérité un mur, un empêchement à la pensée de l'au-delà. Et aussi un châtiment pour les gens de l'wilaya. Donc c'est l'wilaya pour les gens qui sont alliés. Wal-fikra, et la pensée dans l'au-delà, donne ou fait naître la sagesse et fait aussi, donc va donner en vérité en héritage la sagesse et fait vivre les cœurs. وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو الى العمل به رضي الله عنهما lorsqu'il dit penser au bien amène ou appelle à l'acte à mettre en pratique ce bien العمل به وقال الحسن ان اهل العلم لم يزالوا يعودون الذكر عن الفكر، أو يعودون الذكر عفوا، يعودون بالذكر عن الفكر والفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. الحسن دي certains gens de science habituent tout le temps, ils ne s'arrêtent pas d'habituer, donc ils sont tout le temps en train de quoi d'habituer le rappel par la pensée, la méditation, et la méditation par le rappel. Et donc ils font parler les cœurs jusqu'à ce que ces cœurs parlent de quoi? De par la sagesse. Donc on voit les gens après sont imprégnés de sagesse, tellement ils se rappellent et tellement ils méditent. ومن كلام الشافعي رحمه الله استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. Et parmi les paroles de l'imam Shafi'i رحمه الله, demandez ou prenez en aide, c'est-à-dire faites-vous aider pour parler. Faites-vous aider de quoi? De le fait de ne pas parler. Samt, c'est le fait de ne pas parler. Donc, en vérité, méditer avant de parler, du ma'na. Hein? Usmut, c'est plus fort que uskut. C'est plus prononcé. Samt, c'est plus fort que sukut. Donc, en vérité, gardez un long silence avant de parler, c'est-à-dire de ça. Sachez ce qui va sortir en réalité de votre bouche. Et aussi, aidez-vous par, c'est-à-dire ressortir des règles ou des faits par la pensée. Ça ne faites pas les choses en vérité comme ça sans méditer, sans réfléchir. Pensez, méditez, après ressortez en vérité ce qu'il y a à ressortir comme bénéfice de cette action, de cette position, de cette histoire. Et là, ça dépend de, bien sûr, de la situation dans laquelle on se retrouve. وَهَذَا لِأَنَّ الْفِكْرَةَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَالْعِبَادَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَالْقَلْبُ أَشْرَفُ مِنَ الْجَوَارِحِ فَكَانَ عَمَلُهُ أَشْرَفَ مِنَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ. Car la pensée est un acte du cœur et l'adoration est un acte du corps, donc des actes. Et le cœur est plus noble que les membres du corps. Le cœur est plus noble que ce doigt. D'accord ? Quels sont les membres les plus nobles du corps ? Qui les connaît ? Ils sont nombreux de trois. Quels sont les... Nam. L'ouïe, la vue et le cœur. Hein, et on le voit bien lorsqu'Allah associe... Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc associe donc la science, il associe à quoi? À la vue, au cœur et à l'entente. Parce que c'est avec ces trois choses-là que tu vas apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir, tu vas lire, ou bien tu vas écouter, tu vas entendre, et ton cœur l'a accepté. Donc c'est les trois membres les plus importants, les plus nobles du corps. Parce que c'est ceux-là qui vont te permettre d'être bon croyant ou pas. Et pas les autres, pas le reste. Ça ne sera pas mal fin, ton index. Hein, ou bien ton orteil. Ou ton genou. Là, ce sont ces membres-là, c'est pour ça qu'ils sont les plus importants. Ce sont les membres les plus importants du corps. Donc le cœur est, comme on l'a dit, plus important que les membres du corps. Et donc sa science est plus importante, ou plutôt son acte est plus important que l'acte du corps. L'acte du cœur est plus important que l'acte du corps. وَأَيْضًا التَفَكُّرُ يُوقِعُ صَاحِبَهُ مِنَ الْإِيمَانِ عَلَى مَا يُوقِعُهُ الْعَمَلُ الْمُجَرَّدُ. Car la pensée amène, c'est-à-dire le penseur, à, ou bien donc donne au penseur la foi, ce que l'acte seul ne va pas donner. Mais c'est ce que tu as ressenti de cet acte qui va te donner la foi. Rabba, il est possible que deux personnes fassent les mêmes actes, la même prière, mais pourtant, on en voit bien que lui, il sera peut-être écrit rien du tout, et l'autre peut-être la moitié, ou un tsalala. Il y a des niveaux. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que lui, son cœur, il a été ajma. Son cœur, il a plus été ici, plus concentré. Il a créé plus de khushu, plus ceci, plus de cela. Pourquoi? Parce que le cœur, il a montré la différence. Tandis que l'autre, il était dans le sourd. Il était dans le plus et dans le moins. Généralement, c'est ça. Les histoires, les oublis, les problèmes. فَإِنَّ التَّفَكُّرَ يُوجِبُ لَهُ مِنْ إِنْكِشَافِ حَقَائِقِ الْأُمُورِ وَظُهُورِهَا لَهُ. Car penser amène obligatoirement à quoi? À montrer. Quand lorsqu'on dit penser sur la science, toujours, hein, bien sûr, c'est pas penser de ce que tu veux. Pour bien comprendre, tafakkur, si on parle de méditer sur ce que Allah Azza wa Jalla a descendu, hein, comme texte du Coran et de la Sunna, va montrer la réalité des choses. Haqa'iq al-umur. Hein, et va, donc va lui montrer clairement. C'est comme si elles étaient en face de lui. Et vous le voyez bien. Combien de fatwas de gens qui n'ont pas vécu ici, de ulama, ont été plus clairs, après des fois des questions courtes, plus clair et des solutions bien plus claires que nous qui vivons ici et on les vit et on n'arrive pas à ressortir cette estimbat. On n'arrive pas à ressortir cette fête-là. Alors qu'on vit ici. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas cette clairvoyance. La clairvoyance, c'est pas le fait de voir à côté de toi ou d'être, de vivre dans l'endroit. C'est pas vrai. La clairvoyance, c'est la clairvoyance du livre d'Allah Azza wa Jal, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa تميز مراتبها في الخير والشر. Le tamayuz, donc ici le fait de différencier, le fait de pouvoir différencier les étapes de bien et de mal. Ils savent que ça c'est un bien. Tel acte est bien. Mais tel acte est encore meilleur. Donc ils vont choisir. S'ils ont le choix entre deux choses qui sont halal, ils vont peut-être choisir la plus simple ou des fois la meilleure. Mais enfin, et la même chose pour le mal. Ils savent que ça c'est un mal, mais ils savent que ceci est un plus grand mal. Vous connaissez l'histoire de avec Shirissam Mohamed ibn Abdul Wahab, rahmallah, par rapport à ses élèves, lorsqu'ils nous ont demandé jusqu'à quand tu vas encore nous enseigner le Tawhid, et qu'après il a mentionné donc, que dans telle maison on a donc égorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc les gens ont dit qu'Allah les guide et la khiri, mais quand après il a dit que telle personne a forniqué avec sa mère, là les gens sont devenus fous et ont plus donc réprimandé. Cet acte vil et bien sûr grand péché haram, alors que l'autre c'était du shirk. Vous voyez un petit peu? Donc le alim il sait faire la différence. L'autre égorge une poule, mais pour autre qu'Allah, l'acte comme ça, l'acte il va être le fait d'égorger une poule, mais le fait que c'est pour autre qu'Allah c'est qabih, c'est plus grave que le fait de forniquer avec sa mère. Mais regardez comment que la chose elle fait. On croit que on va penser que lui il est plus qabih. À nos yeux, comme ça, directement, on va penser que lui, c'est plus vil. On risquerait d'avoir une réaction plus forte sur ça. Mais pourtant, l'autre, il est pire. L'autre, c'est un grand péché, mais l'autre, il amène en enfer. Directement. S'il n'y a pas de tauba, c'est-à-dire que l'autre, s'il y a une tauba. Oui, si la personne, l'autre, si la personne est mère comme ça, mais si la personne est mère avec le grand péché, il se retrouve sous la volonté d'Allah, ou il le pardonne, ou il le châtie. C'est pas pareil. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. En dessous de ça, en deçà. Donc tout ce qui est en dehors du shirk, il est dun. Dun al-zalika, en deçà. C'est moins grave. Vous voyez, pour montrer l'ilm, qu'est-ce qui permet de. Il fait le tamiz entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Wa ma'rifati. Donc le fait de connaître ce qui est bien et ce qui est bien et ce qui est encore meilleur. Donc on l'a expliqué un peu ça déjà. La même chose quand on a expliqué ça. Et ce qui est plus mauvais, donc plus vil, plus dégueulasse, que ce qui est mauvais, vil et dégueulasse. Et ce qui est en vérité laid, ce qui est mauvais. Et connaître aussi les causes qui t'amènent à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi il y a, dans l'islam, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle sed al-dhara'i', le fait de barrer la route. Il y a des choses qui ne sont pas haram en elles-mêmes. Mais cette chose-là, elle peut t'amener à un haram, donc on lui barre la route. On interdit. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas interdites. Mais cette chose-là, elle peut te ramener à une interdiction, donc on te l'interdit. Pour ne pas arriver à cette chose-là, de mal. وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها. Donc ce qui va en vérité renforcer ces causes et donc Ils connaissent ce qui va renforcer ses causes, les mauvaises choses, et ils connaissent aussi ce qui va repousser dans ça, ce qui va repousser. Je sais que ça, c'est ça, Khnas. Moi, je ne prête pas attention. Je ne prête pas mon oreille. Kobeljan, c'est un exemple. On parle par rapport à la bid'a, de façon générale. Ou tekfir. Ou ceci, ou cela. J'écoute. Hein? Kobeljan, je vais l'écouter. Et je vais voir, je vais leur faire un rad. Il y a des gens, ils veulent s'amuser à faire des roudoud sans science. Je vais l'écouter, je vais rentrer dans le site des tekfirines. Ou dans leur mawaqir, ou bien dans les muntadayat. Moi, je vais rentrer, je vais discuter avec eux, débattre. Et je vais leur dire, les ulama, ils ont dit sahra, mais t'es pas mieux que les ulama. Ils ont pas de science, ils vont sortir des choses comme ça. T'es pas mieux que les ulama, pourtant le hadith, regarde, le verset, il veut dire ça. Ils ont. Mais c'est trop nul, c'est trop faible ce qu'ils ont. C'est pas suffisant. Les autres, ils vont lui lancer donc une armée de choubouettes, parce qu'ils vivent qu'avec les choubouettes. Et la personne, après, elle est coincée, elle sait plus répondre. Et voire même, elle va être attirée par eux. Ibn Qayyim rahmoullah, par rapport au Aïn et au Hassad et au Serh, tout ça, il demande à ce que tu t'éloignes de ton Adou, que tu ne penses pas à lui. Ça, c'est une esbeb d'Af Shaitan sur toi. Parmi les esbeb, justement, qui repoussent. Ça, il demande que tu ne penses pas à ton ennemi. Vous voyez ? C'est-à-dire que tu t'éloignes de ça. Et bien, c'est le même principe en vérité ici. Tu t'éloignes de ça. Pour pas que ton cœur se remplisse de ça. Tu t'éloignes de ces gens du char. Même chose, ouais, j'ai rencontré une Habashi, elle était gentille pourtant. C'est des choses comme ça. Des gens qui viennent, qui racontent, mais on va attirer quand même, je trouve que ce qu'il dit. Je trouve. Alhamdulillah, Tessam, c'est pas je trouve et tu trouves et on trouve. Que ce qu'ils disent, il y a des choses qui sont quand même vraies, ça se termine pas. Là, tu sais que c'est un battle, tu t'en éloignes dès le début. Alors, il t'est pas demandé d'être celui qui va rod, parce que tu n'as pas science. Donc, éloigne-toi. Apprends. Et si tu veux, les gens qui répondent, ce sont ceux qui connaissent. Et qui connaissent les SBEB, qui connaissent toutes ces maratibes. Ils savent comment répondre. Il faut que la réponse elle soit forte. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas... Il faut s'éloigner de ce genre de choses. Donc comme eux n'ont pas les... Donc ils n'ont pas les bases pour s'éloigner de ce qui est mauvais, ils y vont. Parce qu'aller vers quelqu'un de mauvais, hein, pour eux c'est d'une attache n'importe comment, c'est-à-dire de discuter avec des gens... N'importe comment, ça c'est justement haram. Et lui, ils ne savent pas, ils y vont. Et ils pensent que moi, je vais réussir. Ils ne vont rien réussir. Je vais réussir là les gens n'ont pas réussi. Ou bien, c'est pas comme ça. La science, elle est montrée. Comme le dit l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Malik, il dit, « Ikhbir bi sunna, wala tukhasim alayha. » Montre la sunna et ne te dispute pas pour elle. La sunna, elle est tellement pure, elle est tellement claire qu'on n'a pas besoin de se disputer sur elle. Il n'accepte pas, c'est son problème. On montre et on continue notre route. On trace notre route. Les ulama, il y a des ulama qui sont là pour montrer. Après, c'est tout. C'est eux qui montrent, alhamdulillah. C'est eux qui enlèvent les choubouettes des cœurs des gens. Et c'est pas toute la terre. C'est pas vrai. Parce que ça demande du ilm derrière ça. Et beaucoup de gens, c'est quoi ton dalil? Jusqu'à ce que la personne devienne tekfiria, ça arrive en France. C'est quoi ton dalil? Comme si les gens, ils savaient comment, des fois, comprendre. Même le dalil, il faut le comprendre. C'est pas juste, tu le reçois. Est-ce que, après, la personne est rentrée avec dans la discussion, la personne est devenue tekfiria? Jusqu'à ce qu'elle ait quitté l'islam, elle a complètement quitté la religion dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est normal si tu insultes, si tu rends kafir les ulama. N'espère pas de toi, il y a une bonne fin. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ces choses-là. Donc, « Wa tamyiz baynama yanbari wa sa'yi fi tahsilihi wa baynama yanbari wa sa'yi fi dafri asbabihi ou ma la yanbari » parce que c'est ce crime « ma yanbari » donc ça peut être que le contraire ici. Ici, je sais pas si 255 c'est écrit quoi. Toujours la même chose, Mayambari. Normalement, ça doit être Mala. Parce que là, il demande de le rejeter. Donc, c'est quelque chose qui est bien, on ne peut pas le rejeter. Donc, il manque ici la négation, page 255. C'est-à-dire avant la fin, donc deux lignes avant la fin. Le fait de différencier entre ce qui est recommandé et demandé, Mayambari, ce qu'il faut faire, et de s'empresser de. Il y a sérieux, on va arrêter de faire les efforts pour acquérir donc cela. Et aussi entre ce qui n'est pas demandé de faire et de s'empresser de repousser les causes de cela. Non pas de repousser cela, les causes de cela. De s'éloigner complètement, pas ouvrir la porte. Wal-farqi ben al-wahmi, al-wahab, wal-khiyar, al-mani al-akhfar al-nufus, min intihazi al-furasi, ba'da imkaniha, wa ben al-salam al-mani, haqiqatan, fa- yashtaghilu bihi duna al-awwal. Et aussi faire la différence entre ce qu'on croirait le waham ou le khayal, ce qu'on s'imagine. C'est pas suffisant de s'imaginer. Il faut pas rester des gens qui je croyais que Ada, ça rentre pas dans l'islam. Et c'est ça, c'est encore une fois une histoire d'européen. Je pensais que là, il faut que tu sois sûr. C'est pour ça que le doute ne prévoit pas, ne vaut rien en vérité par rapport à la certitude. Combien de je croyais, les gens ont fait des dégâts. Il faut être sûr et certain de ce qu'on avance ou de ce qu'on veut faire. Parce que ça, ce qu'il dit, comme c'est beaucoup de gens ont ça. C'est ce qui interdit beaucoup de gens justement de profiter. Je pensais que, je croyais que là, l'ayam shi'indana. En islam, ça ne marche pas. Les je croyais, je pensais que. Khala ala jamb. Sois sûr. Donc de délaisser en vérité les foras, les profits, on rate des occasions de justement de faire du bien. Et de connaître réellement les choses qu'ils interdisent justement à ça. Donc il va s'occuper de. Il pensait que c'était mal, alors il ne va pas le faire. Ou bien il pensait que c'était bien, alors il va le faire. Ben, je croyais que c'était bien. Je croyais que là il s'habite d'Alil. Au contraire, c'est un chèque. Ou le chèque, une infi, madame. Hein? Une infi d'Achine. Tu vois? Parce que tu croyais que. C'est un doute. Tu pensais que. C'est un réel, Andek. C'est un réel, c'est quelque chose qui est ambigu. Et pourtant, une infi, elle y a rien. La certitude. Donc si tu n'as pas certitude, khalé. Fama qata al abda. عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغارب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرها الذي لا تنفك سابحة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والوهم والحقيقة donc rien n'a barré la route, rien n'a séparé entre le serviteur et le fait de devenir excellent et le fait d'avoir la réussite et le fait d'avoir le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc la ajila c'est tout de suite, ou l'ajila c'est donc plus tard. Une barrière, quelque chose qui sépare, plus forte que al-wahm, que le doute, al-gharib al-nafs, qui prend le dessus sur le nefs. Et tout à l'heure dans le das, on a quelque chose qui est approximatif quand on a parlé de raib. Hein? Donc je reviens juste, pas à tout, à de ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'autre das à Mons, mais juste de le fait de dire qu'il y a un arabe qui disait, un jeune de 27 ans, et qui disait, vous les Européens, quand il a vu tous les frères venir donc à Medina, la Omra, il a dit, on dirait qu'il manque quelque chose dans l'aql, il manque quelque chose dans le raisonnement. Tout en train de changer d'avis, tout en train de pas aboutir à ce que vous devez faire. Vous n'arrivez pas à l'aboutissement, vous dites ça, vous ne tenez pas votre promesse, vous êtes comme vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est le wahem. C'est le fait de penser comme on veut, de partir à droite, à gauche, c'est bien, sans calculer si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous voyez? On n'a pas, c'est bien, alors je le fais, c'est pas bien, je le fais pas. On est passionnel, mais on n'est pas quoi? Rationnel. Et ça, c'est faux. Dans le sens où on doit avoir de la raison, je veux dire. Mais on ne doit pas être, on est nous, c'est passionnel. Et là, le problème. La différence entre nous et ceux qui sont dans les pays où c'est difficile de vivre, ils sont beaucoup plus rationnels que, et beaucoup, ils ont beaucoup plus de raison que nous. Nous, on est comme ça. C'est-à-dire comme on veut. Et voyez qu'il dit que Ibn Khayyim rahimahullah, il le parle. Il en parle de ces années. On comprend que c'est dans le sens là. Il dit wal khayal alladhi huwa murakkibuha. Le khayal, donc il s'imagine. L'imagination qui est donc qui constituait donc ce wam, ce doute, et a été constitué de cette imagination. Donc tu penses. Bel bahruha, il dit carrément, donc c'est sa mère, c'est en vérité la mère, quelque chose d'énorme. C'est énorme dans. Chez les gens. Elle a dit qu'il ne part pas, donc en vérité qu'il est là, qu'il ne se sépare pas de la personne. Et tu ne vas te séparer de cet empêchement que par une pensée véridique. Donc la science, une pensée véridique et une quoi, l'azm, et une volonté qui sera véridique. On revient pas tout à l'heure un petit peu par rapport à le Shurut la ilaha illallah. Dans Shurut la ilaha illallah, justement, quand on est arrivé au sitre, on avait des paroles qui ressemblaient à ça. Par rapport au Shurut la ilaha illallah, le sitre, c'était par rapport au sitre, ou bien le yaqin plutôt, le yaqin, le munafi, le raib, le shek, hein, le shek. On avait un truc par rapport à ça. Et on est rentré dans ce domaine-là tout à l'heure aussi, à peu près. Vous voyez un petit peu. Comme quoi les choses, elles reviennent, elles se rejoignent dans l'islam. Et ici, donc une volonté véridique qui va différencier entre le doute, le waham, donc l'imagination, tout cela, et la réalité. Et la réalité des choses. Wa kazalika idha fakkara fi awaqib al-umur wa tajawaza fikruhu مباديها وضعفها ومواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد ذنب والشهوة فتجاوز فكرة لذاته والشهوة وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الآلام والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة. Et aussi s'il pense au résultat de cela, à la fin, quand tu fais quelque chose, le bon et le mauvais résultat, l'awaqib, c'est-à-dire ce qui va arriver après ce que tu as fait, et à dépasser, donc ça pensait à dépasser le début de la chose, tu penses à faire, tu le fais. Donc tu es resté qu'au début dans ta pensée. Mais tu vas plus loin. Tu penses aussi, est-ce que c'est une bonne ou une heureuse fin dans cette histoire? Donc, wada'aha, moi j'ai dit wada'afa tout à l'heure, j'ai dit wada'aha, yani mawadi'aha. Donc, il a placé les choses là où il faut les placer. Il a placé les choses, donc il a placé les choses à leur juste mesure, comme il le faut. Et il connaît ses degrés. Ici, c'est vraiment c'est haram, si c'est makrouh, si c'est halal, il a khiri. Alors, si un péché lui passe, hein, donc, lui traverse l'esprit, et que la passion donc passe, il va dépasser cela, donc sa pensée va dépasser le seul plaisir, au moment du plaisir, hein, et du désir, et son nefs, il va passer, il va dire, il y a un petit plaisir, mais c'est simplement qui va me ramener beaucoup de mal. Donc il va penser au mal, il aura dépassé le fait de s'arrêter juste un petit plaisir. Il va plus loin que ça. Et son nefs, son âme, va être heureuse d'avoir pensé à quoi ? À la mauvaise fin de cela et de ce qui peut lui ramener comme mal. Hein? Donc, le mal en vérité, qui va en vérité pouvoir. Donc, en vérité, le mal qui sera en vérité bien plus grand à coup de hell que ce plaisir et que ce bonheur-là, en vérité. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que la pensée elle est demandée. وَمَنْ فَكَّرَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُقْدِمُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ عَلَى قَلْبِهِ وَارِدٌ راحتي والراحتي الداعتي والكسلي وتقاعدي يعني عن مشقة الطاعات وتعبها ممكن حتى عبر بفكرتي إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها. Et lorsqu'il pense à cela, hein, donc il ne va pas vers. Et lorsque cela vient dans son cœur, hein, donc donc le fait de lorsque vient Yaniwar et la Raha, lorsque lui vient en vérité le fait qu'il le repos ou la sérénité qui appelle, il parle par rapport au repos, qui appelle en vérité à la fainéantise et de le fait de se délaisser en vérité les difficultés de certaines adorations, hein, lorsqu'il vient, il pense à ça, lui donc à ce moment-là, il va penser aussi, donc lorsqu'il va penser au c'est-à-dire, et ce qui il va réfléchir à ce que cela amène comme délice et bienfait et bonheur, hein, par rapport à cela. Donc il va délaisser cela. Il va délaisser cela pour en vérité avoir. Il va dire, c'est facile, je me repose, je me réveille pas au milieu de la nuit. Je me repose et je ne fais pas telle adoration. Je garde mes sous, je ne donne pas fissabilité là. Plein de choses comme ça. Mais quand il pense au bien que ça va amener, il casse son œuf. En vérité, donc il va en vérité casser son œuf. Il va donc faire les efforts pour justement, hein, arriver à ça, parce qu'il a fait quoi, là, méditer en vérité sur le khair, parce qu'il pense à Kamel Awaqibha, en vérité à l'excellence ici de cette fin. Wa kullama rada fikruhu فذلك اشتد طلبه لها. Lorsque sa pensée vient à ça, c'est-à-dire en fait aux bonnes fins, plus il pense à ça, aux bonnes fins, plus quoi, il recherche. اشتد طلبه لها. Il recherche cette bonne fin. وسهل عليه معانتها. Même s'il y a des difficultés, mais pour lui c'est sale. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'imaginer. J'ai 100, je donne 20. Ah non, il va me rester que 80. Il y en a, c'est... il y a 100, il va donner 50, ça ne le dérange pas. Alhamdulillah. Ça ne le dérange pas, pourquoi? Parce que lui, il voit déjà, il est déjà ailleurs. Mais celui qui pense à ici, calcul dunya, oui, il ne donne pas. Parce qu'il est dans un calcul dunya, lui, c'est tout. Mais s'il était dans un calcul okhrawi, il ne calculerait pas du tout ce genre de choses. Wastaqbalaha bin ashantin wa kuwatin wa azimatin. Et il va aller à l'encontre de ce bienfait. Par donc Nashat, il est donc on voit qu'il est frais par avec fraîcheur et donc et force et aussi volonté qui est forte, et ça on le voit bien. Il y a des gens comme ça. Wa kadhalika idha fakkara fi muntaha ma yastabiduhu min al-mal wal-jah was-su'ar was-su'ar wa nazara ila ghayati dhalika bi'ayn al-fikrati fikra istahya min عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك كما قيل. Donc après il y a une poésie. S'il pense donc à la fin de le fait d'être, c'est-à-dire en vérité le fait d'être adorateur ou le fait d'être esclave ici des bienfaits, esclave de la personnalité et de ce que les gens pensent sur toi, et qu'il voit en vérité le but de cela, donc de la par vraie méditation, il a honte. Il a honte de son aql et de son nefs. C'est pas ça qui l'intéresse. Il ne doit pas être comme ça. Il ne doit pas penser à dans le sens de sa personnalité, ce que les gens disent de lui tout simplement, ou le fait d'être plus riche, ou ceci, cela. Il ne faut pas que ce soit lui qui soit esclave de cela. Mais en vérité, tes bienfaits, il reste. Ce sont eux qui vont te servir. Mais toi, tu ne dois pas être serviteur de l'argent. Tu ouvres à 6h du matin ton magasin et tu le fermes à minuit. Quand est-ce que tu adores Allah? Mathalan, c'est un exemple. On est devenu comme ça les musulmans. Hatta al-kafir, il ferme à 7h30. Nous, on ferme à 23h. Pourquoi? Les hubb al-mal. Et pourquoi le kafir, il ferme à 19h30? Hatta yartah. Lui, Aslan, il est akhrab ila al-aql. Il est akhrab. C'est vrai, là. On voit que le kafir, il ferme toujours plus tôt que le musulman. Pourquoi? Pourquoi le musulman, il ferme tard? Il dit, nous, le musulman, on n'a pas de. On ne connaît pas les vacances. Non, mais tu vois quoi? Tu vois ton haq envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ferme et va adorer Allah azza wa jal. Pourquoi tu ouvres encore? Quand est-ce que tu adores? Fais souk. Alors que souk, on sait que c'est abradul amakin ilallah. Ce sont les endroits les plus détestables auprès d'Allah. C'est pour ça que Salaf, il détestait ouvrir les premiers et fermer les derniers. À cause de ça, parce que ce n'est pas les meilleurs endroits. Donc pourquoi y rester plus longtemps possible? Tu ouvres, mais tu fermes. Tu ne fermes pas hein, à minuit. Nous, les snacks, ils ferment tout ça. Ça, minuit, une heure, les frères. On voit en Angleterre, ou alors avant le Maghrib, il ferme. 21h, classe. On va habituer les gens à quoi? À manger plus d'eau, puisque les 5 sont fermés. Ça, oh là là. Tu ouvres à minuit, bah, tu le fais manger aussi à minuit. Tu l'aides pas. Tu recherches quoi? Tu recherches le mail, et après on ne te voit plus. Voilà le travail, voilà le snack, voilà il m'a pris, il me bouffe tout mon temps. Il me mange tout mon temps, j'ai plus de temps. Bah ouais, t'as plus de temps. On ne te voit plus filmer, on te voit le Jumu'ah. Hatta le Jumu'ah. Salam, il est pressé. Harab. Même plus on le voit faire le zikr. Il n'y a plus le temps. Il est devenu comme ça. Pourquoi? Parce que son cœur, il a baissé. Parce que sa foi, elle a baissé. Ne croyez pas parce qu'il n'y a plus le temps. Parce que ta foi, elle a baissé. Sinon, tu ne serais pas comme ça. Tu serais resté en train de méditer, en train de prier juste après la fin de sunnah. Moi, peut-être lire le Coran ou quoi que ce soit. Harab. Non. Il faut foncer à métro, à 15 km, aller acheter les laitues, les ceci, les cela. Ça n'arrête plus. Après, il faut donner ton temps à Allah. Sinon, tu vas regretter. Sinon, tu vas le regretter. Ce n'est pas la dunya qui doit passer, prendre le dessus. Si tu commences à 6h, à 8h et que tu termines à minuit, 1h du matin, quand est-ce que tu vas adorer Allah Azza wa Jal? Tu vas rentrer chez toi, tu vas tomber comme un pic. Tu n'as plus de haq. Ni ton haq à toi, ni le haq d'Allah, ni le haq des Aouja, ni le haq des enfants. Il ne reste plus rien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être de ce style-là. Donner son haq à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abdul Nilmel. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens. وكذلك إذا فكر في الآخر آخر الأطعمة المتفخرة التي تفانت عليها النفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها وارتفعت يعني همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسحى ويسعى ويخدح ويوالي ويعادي كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جعل الطعام ابن آدم مثل الدنيا وإن يعني قزعة وملحة فإنه نعم وإن قزعة نعم قزحه عفوا قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير. Si la personne pense donc au dernier repas, dans le sens où les repas les plus, les meilleurs repas, les dernières recettes, les dernières nouvelles de recettes, hein, des choses qui sont luxueuses, des repas luxueux. Et comment le nefs est attiré par cela, de la même façon que les animaux sont attirés donc sur leurs choses. Hein, on voit qu'en vérité, lui, il pense à toutes ces bonnes choses. Ce qui compte, c'est ça. Il faut que, c'est un exemple, le frigo soit plein des meilleurs trucs de luxe, de marque, les plus chers, ceci, cela, sinon il est malade. Il a en vérité fait en sorte que son cœur soit accroché à ça. Donc c'est comme si son cœur il est esclave de ce qu'il y a dans ces choses-là. Hein. Et pour ça, il agrée. Et pour ça, il s'énerve. Il agrée pour ça et pour ça, il s'énerve. Faut pas toucher. Ça, c'est à moi. Qui a mangé mon chocolat, il saute en l'air. Ça, là. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est mon yaourt. Personne n'y touche. C'est à moi. C'est à personne d'autre. Hein. Et il s'empresse et il va même dénigrer les gens, insulter les gens. Donc, il va dire des mauvaises choses pour ça. Pourtant, Ibn Qayyim rahimahullah, il n'a pas vu toutes ces choses-là. Il n'a pas vu ce qu'on nous voit. Ça, là. On a des dizaines de mètres de rayon pour le yaourt. Tu as 150 sortes de yaourt, tu as le choix. Avec et sans bifidus, tout ce que tu veux, Akulahan. Mais il y a trop de choses. Il y a trop, c'est que des choses en plus. Il y a trop de choses, justement, qui détournent les gens en vérité de la réalité. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Mousnad, il dit, certes Allah a placé donc de la nourriture de fils d'Adam, et si le qazzaha, qu'est-ce qui arrive ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'épicé? Au mallaha, ça c'est connu, donc s'il aurait mis du sel, donc on comprend l'autre, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec, ou l'épice, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui va embellir, ou qui va... Ya'lamu ilama yassir. Enfin, il sait où il va arriver. C'est-à-dire qu'en vérité, Allah a placé la nourriture, si tu commences à vouloir faire trop de harakat, tu sais où tu vas arriver. Ça va te perdre, c'est comme si vous voulez dire ça à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On sait que maintenant, je vais dire, comment je fais maintenant mes tagines et mes poulets farcis, madafal. On sait que toutes choses, elles ont le wasat. On sait que toutes choses, elles ont le wasat. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre plutôt ici que quoi? Que hatta dans la nourriture, on peut se perdre. Hatta dans la nourriture, on peut s'égarer. On mourmi de dunya. Amrun min umur ad-dunya, quelque chose parmi les choses de la vie d'ici-bas. Même ça peut nous perdre. Ajib, même ça peut, on n'y pense pas. Et pourtant, voilà. On fait perdre énormément de temps donc aux épouses pour que le repas soit le plus luxueux. Ça fait perdre beaucoup de temps. Mathalan. Et on oublie l'essentiel de notre venue en vérité sur cette terre. Faidawa ka'a fikruhu ala aqibatihi dhalika akhiru amrihi wa kanat nafsuhu yani hurratan. بيّتن يعني ربّأ بها أن يجعلها عبدا لما يعني آخره أنت شيء وأخبثه وأفحشه. Donc la personne lorsqu'elle pense au mal de cela, c'est à la fin de cela, lorsque la personne pense à la fin de cela, hein, que son nefs il est donc hor, c'est-à-dire libre, hein. En vérité, ou qu'après il voit, ou plutôt qu'il fait en sorte que son nef devient, alors qu'il était libre à l'origine, t'étais libre, et t'es devenu un serviteur de cela, donc en vérité, la fin de cela sera encore plus, nauséabonde, plus dégueulasse, et plus sale, et plus mauvaise. Dans le sens, en vérité, tu tu te perds dans ce qui sera mauvais. Donc ici, Ibn Qayyim rahimahullah, 50 minutes. Donc, je crois que je pensais que j'allais faire un seul dars, mais apparemment non. Faïda wa qal, yani idha urifa hadha al-fikr huwa ihdaru ma'rifatayn fi al-qalbi li yustathmar minhumā ma'rifatun thalitha. Lorsque la personne connaît comment comprendre tout ce que nous a donné comme exemple Ibn Qayyim rahimahullah, de réfléchir, donc ça amène à quoi? À deux connaissances dans le cœur et qui vont faire naître ou qui vont donner comme fruit une troisième connaissance. Wa mithalu dhalika idha ahdara fi qalbihi al-ajilata wa 'ayshaha wa na'imaha wa ma yaqtarinu bihi min al-afat wa inqita'ihi wa zawalihi thumma ahdara fi qalbihi al-akhirah wa na'imaha wa ladhdhatiha wa dawamaha wa ladhdhataha wa dawamahu wa fadlahu 'ala an-na'im ad-dunya وجزم يعني بهذين العلمين يعني أثمر له ذلك علما ثالثا وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضلة الدائمة الأولى عند كل عاقب بإثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له في معرفة donc après il parle de ثم له في المعرفة يعني الآخرة حالة. Si la personne, donc il donne un exemple, si la personne a dans son cœur, donc dans son cœur, à ce moment-là, il se retrouve, il pense à l'ajila, donc l'empressement, la vie d'ici-bas, et sa vie, et ses grâces, donc les bienfaits, à les ni'ma qu'il y a dans sa vie, est-ce que amène, donc ces choses-là, comment elles vont en vérité, les affaites, comment elles vont s'annuler, ou comment elles vont, les mauvaises choses qu'il y a par rapport à cela, et le fait que ces choses-là, elles vont être amenées à disparaître, et donc elles vont s'arrêter et elles vont disparaître. Puis, donc il pense à la chose de la vie d'ici-bas. Mais il sait que l'aïch c'est l'akhira, ou l'khir c'est l'akhira. Et qu'il pense après cela, à l'au-delà, et à ses grâces, et à ses plaisirs, et à sa continuité, et à ses bienfaits, et à, donc à ses ni'mas, qui sont bien meilleurs, al-fadl, elles sont bien, elles ne s'arrêtent pas, elles passent avant. Et elles sont meilleures que tout ce qu'il y a. Donc elles sont meilleures pour qui? Pour chaque aql bi'itharihi min al-ajla, pour chaque personne qui raisonne et qui fait passer l'au-delà avant la vie d'ici-bas, qui va s'arrêter un jour ou l'autre. Et c'est pour cela que donc il veut dire en vérité qu'ici la personne elle raisonne. Le fait qu'il connaît le bien, il connaît le mal, il sait ce qu'il va choisir. Il dit après cette chose-là, elle a deux cas. Donc le fait de penser à ça, tu arrives à deux cas. Premièrement, أن يكون قد سمع ذلك من غيره أن يباشر قلبه يعني برد اليقين به ولم يفضي قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة. Donc il a entendu cela d'autres par autrui sans qu'il ait goûté quoi que ce soit de cela, hein, et qu'il, donc sans qu'il ait la certitude forte, il n'a pas goûté cela et son cœur n'est pas arrivé à comprendre et à voir ou à englober, c'est-à-dire le fait de savoir, de s'imaginer, donc cet au-delà, la réalité de l'au-delà. Il dit ça, c'est la situation de la majorité des gens. La majorité des gens sont comme ça. Donc, ils ont ça. Ils ne connaissent pas réellement l'au-delà. Pourquoi? Premièrement, parce que il y a toujours le fait d'être appelé par la vie d'ici-bas. De temps en temps, on a des manquements vis-à-vis de l'au-delà et on préfère la vie d'ici-bas dans certains domaines. On se laisse aller. Par bien sûr insouciance et l'akhiri, pas par science, mais plutôt par mes connaissances, tout ça. Il dit wahwa aqwa da'iyan 'indahu li'annahu mushahadun lahu mahsusun. Pourquoi? Ça c'est plus fort. Donc il y a deux choses qui t'attirent à avoir des manquements dans l'au-delà. Première chose, c'est le fait d'aller vers la vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce qu'elle est en face de toi et qu'elle est palpable. Tu la touches, tu la vois. Hein, tu as même des fois connaissance de ça. C'est quelque chose qui est bien, des fois, n'importe quoi, ça peut être une voiture ou quoi. Tu vas même peut-être acheter le livre technique, tu vas tout lire. Et tu connais, hein? Tu connais la motricité, tu connais le moteur, tu connais qu'il y a autant de chevaux, tu connais. Quand je dis chevaux, il y a quelqu'un d'entre vous qui sait ce que ça, qui connaît pas le mot chevaux? Combien de chevaux la voiture, ça? Combien? Tout le monde connaît. Ça prouve comme quoi, ça rentre dans notre cœur, quoi qu'il en soit. Les téléphones, Tout le monde connaît les dernières, hein, les derniers téléphones, les dernières fonctions. On connaît. Pourquoi? Parce qu'on aime. Et parce qu'on est attiré. Et parce que ça, c'est la dounia qui nous ramène à ça. Faut pas se leurrer. Qu'est-ce qui nous amène à cette science de la dounia en effort? Les derniers portables, les derniers ceci, les derniers laptops, les derniers tout ce que tu veux. À cause de notre amour dans... On dit parce qu'on prend la dernière technologie. Parce qu'on aime la dounia, tout simplement. Faut pas dire parce que moi je suis... Je suis tech dans le sens technologie. Je suis tech, moi je veux toujours avoir les derniers cris. Non, c'est le choub de dunya. Ça rentre dans le choub de dunya. C'est pas tech, c'est pas pour avoir les dernières fonctions, et parce que la preuve souvent c'est pas dini des fois ce qu'on profite dedans. Il y a plein de jeux, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. Il faut pas se leurrer. Donc il montre ici, parce que c'est ce qui appelle, parce que c'est Marceau, c'est à côté de nous, on est tout et moins de cela. Après, il dit, da'in akhira, et après, donc, ce qui ramène par rapport à l'autre, wa huwa ad'afu da'iyan, indahu li'annahu da'i 'an as-sama'. Lam yubashir qalbahu al-yaqin, yani bihi wala kafahu haqiqatuhu al-'ilmiyya, fa idha taraka al-'ajila lil-akhira, turihi nafsahu bi annahu qad taraka ma'luman limadhnun aw muhaqqiqan limawhum. Donc ici, quand il montre la deuxième chose, la deuxième partie. Ici, donc, il dit qu'elle est plus faible que la première par rapport à cela, parce que on n'a pas vu ce qu'il y a à voir avec l'au-delà. On n'a pas vu avec certitude ce qu'il y a dans l'au-delà. Et comme on n'a pas goûté, donc on a plus de certitude de ce qui est devant nos yeux. Et comme on n'a pas goûté, donc on laisse quelque chose qui serait de l'au-delà, de la vie d'ici-bas, la dunya et le khair de la dunya, pour quelque chose qui serait mavnoul, dans le sens, c'est quelque chose dont on a entendu. On l'a pas vu, c'est pas haréré, c'est pas réel, c'est, il y a de vent ici, il y a du doute dedans, donc c'est pas encore quelque chose de vu. Et quelque chose de sûr, quelque chose de sûr parce que tu l'as vu, la vie de David Isseba, par quelque chose qui a été mauhoum. Donc c'est le wahem, c'est imaginé, c'est en vérité, c'est par rapport à ta pensée. Falisan al-hal, yunadi alayhi. Donc la situation appelle à cela. Falisan al-hal, c'est-à-dire ta situation, ton cas. Voilà. أدعى إن ذرة منقودة لذرة موعودة. Et donc en vérité, quelque chose, donc ici ça veut dire qu'on dit ذرة منقودة لذرة موعودة. Donc c'est clair en vérité que أدعى, il n'y aura pas quelque chose de plus, comment dire ça, de plus attirant, si on peut dire ça comme ça, de quelque chose qui a été promis, que de quelque chose qui est vu. Hein, qui est devant toi, que tu peux palper, prendre, profiter dessus, va plus t'appeler que quelque chose qui a été promis. On te promet le paradis, mais c'est une promesse. Alhamdulillah, tu le sais, biyaqin. Le fait que ça reste toujours promesse, qu'on n'a pas vu, on n'a pas goûté, donc on n'arrive pas à aller, hein, comme ceux qui sont arrivés à un grand niveau, qui c'est comme s'ils voyaient cela. C'est comme s'ils voyaient cela. Parce que comme il reste quand même pas mal et que ça demande ici, c'est des phrases qui demandent des fois des explications, mais marouf comme quoi c'est concis, c'est une petite phrase mais qui a beaucoup de sens. Si on l'explique pas, on va se perdre. Donc on va laisser ça la prochaine fois, inchallah. Je pense que ça sera la dernière, c'est l'avant-dernière, donc la dernière par rapport au livre toujours. Donc on a quand même fait la moitié de ce qu'on voulait faire. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته